Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre deuxième vidéo sur l'Épître aux Hébreux. Prions ensemble si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous aimerions que tu puisses nous conduire encore ce matin. Qu'est-ce que les hommes disent de Jésus? Ça peut être bien ou mal. Ça peut être important ou moins important. Mais ce matin, nous allons lire un texte et écouter ce que toi, tu dis de Jésus. Et ce que tu dis de Jésus est vrai, absolu, véridique, éternel, immuable. Convainc-nous. Convainc-nous par la vérité. Convainc-nous par ton Esprit Saint au sujet de lui. Afin qu'on puisse résister à toute tentation de folie qui viendrait de notre propre cœur ou du monde dans lequel nous vivons, qui voudrait nous séduire. Que ton Esprit nous puisse nous illuminer encore une fois ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le temps, si vous voulez bien, de lire le texte de ce matin, chapitre 1, verset 4, jusqu'au verset 14. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits, de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Ni encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais ceux qui subsistent, ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, à partir de ce matin, nous allons regarder pendant quelques matins, Jésus est supérieur aux anges. Et je me suis posé la question, et peut-être vous êtes posé vous autres aussi la question, comment est-ce que les premiers chrétiens ont-ils venu à penser ou à évaluer si Jésus était plus important que les anges? Mais quand on regarde de plus proche les croyances des Juifs par rapport aux anges, si vous regardez présentement aujourd'hui même l'islam par rapport aux anges, c'est très, très important ce que les anges ont fait, que la place des anges dans leur foi. Nous avons la même vérité qui est revue dans Colossiens, où est-ce qu'on parle de faire attention à ceux qui veulent vous emmener à adorer les anges. Donc, les anges avaient une place très importante dans l'histoire d'Israël. On les voit partout dans l'Ancien Testament. Ils apparaissent, ils amènent des messages, ils sont très puissants, ils tuent des armées, comme dans Josué. Donc, ils sont omniprésents, je pourrais dire quasiment, dans l'Ancien Testament. Donc, on leur donnait beaucoup de place et beaucoup de valeur. Et l'auteur va démontrer ici, par plusieurs textes dans les deux premiers chapitres, que les anges sont loin d'être à l'égal du Fils. Ils sont loin d'être supérieurs au Fils. Le Fils est supérieur aux anges. Dernièrement, j'écoutais un film et les anges sont présentés dans le film à quelques reprises comme étant presque supérieurs à Dieu lui-même. Ils ont plus à cœur le bien-être des hommes que Dieu lui-même. Quand j'étais jeune, on avait notre ange gardien qui nous protégeait, comme si Dieu ne nous protégeait pas. Et aujourd'hui, si vous allez dans les librairies, il y a plein de livres sur les anges et ce qu'ils peuvent faire pour vous. Jésus peut-il faire plus pour moi? Excusez, les anges peuvent-ils faire plus pour moi que ce que Jésus a fait? La réponse est non, bien entendu. L'auteur commence au verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quand est-ce qu'il est devenu supérieur aux anges? Y avait-il un temps qu'il était inférieur aux anges? La réponse, c'est évidemment non. Mais qu'est-ce que l'auteur est en train de vouloir dire ici? Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Je pense qu'il parle du moment ici où est-ce que Jésus revient dans le ciel, où c'est des prophéties faites par rapport au Messie ou au Fils quand on en parle dans l'Ancien Testament. Parce que de la façon que l'auteur va en parler, on va bien voir qu'il n'y a aucun moment où le Fils était inférieur. Parce que les textes sont tirés de l'Ancien Testament, donc c'est avant que Jésus vienne sur la terre. Donc c'est pas à cause qu'il est venu sur la terre qu'il est devenu supérieur. Mais on va voir qu'il est venu sur la terre parce qu'il était supérieur. Et l'œuvre qu'il va accomplir sur la terre est une œuvre qu'aucun ange ne pouvait accomplir. On va le voir plus loin, ça. On va en parler plus loin dans l'Épître. Donc, juste par l'œuvre que Dieu lui a envoyé faire sur la terre, dans la personne de Jésus, démontre qu'il était supérieur aux autres. Mais ce que Dieu dit de lui démontre qu'il était supérieur et qui avait toujours été supérieur. Je ne crois pas que, au verset 4, qu'il a hérité d'un nom plus excellent à cause qu'il a fait quelque chose, mais à cause de ce qu'il était. On a vu ça hier au verset 2. Il a été établi héritier de toutes choses à cause de ce qu'il était. Et il a hérité d'un nom plus excellent que les anges, à cause de ce qu'il était. Donc, il était le Fils de Dieu, il était le Créateur de toutes choses, et donc il a reçu un nom plus excellent. Il est au verset 5, il commence à citer des textes de l'Ancien Testament. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ce texte est tiré du psaume 2. Et c'est un psaume de royauté. C'est un psaume où ce que Dieu donne au Fils, le monde en héritage, le monde comme un royaume, il l'établit comme un roi sur tous les royaumes de la terre. Dieu n'a jamais dit à aucun ange, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et il lui dit, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Donc, c'est une alliance, je pourrais dire même, une déclaration que Dieu n'a jamais faite à aucun autre ange. Donc, Jésus est supérieur parce que jamais il a établi un ange pour être le roi, pour être le gérant, ou pour être le dominateur du monde entier, ou le souverain sur toutes les nations. Vous pourrez lire le psaume 2, si vous voulez, pour voir les déclarations que Dieu fait au Fils à ce moment-là. Ensuite, il dit au verset 6, de nouveau, lorsqu'il est introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De quel monde parle-t-il ici? Lorsqu'il est introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Je crois qu'il parle encore de ce moment lorsque le Fils revient d'avoir accompli la purification des péchés. Le monde ici, c'est pas le monde terrestre comme on le connaît. Le mot, là, dans l'original, c'est un mot un petit peu différent que le mot cosmos, qu'on retrouve partout dans le Nouveau Testament. Il n'est pas employé souvent. C'est le mot qu'on a traduit en français écuménique. C'est le monde dans son ensemble. Et je crois qu'il est en train de parler, il va en reparler un peu plus loin au chapitre 2. Il va dire dans le chapitre 2, ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir. Et c'est le même mot-là. Le monde à venir, c'est les cieux et la terre, les nouveaux cieux, nouvelle terre que lui va faire. C'est pas aux anges qu'il l'a soumis, mais au Fils. Il dit quand qu'il a introduit dans le monde le premier-né par la résurrection. Il a demandé aux anges de l'adorer. Wow! Jamais, jamais Dieu a demandé à qui que ce soit d'adorer les anges. Et les anges n'ont jamais, jamais accepté d'être adorés par qui que ce soit. Ceux qui ont voulu recevoir l'adoration et de la gloire sont des anges déchus et ils sont déchus pour l'éternité. Mais ici, c'est Dieu qui dit aux anges d'adorer le Fils. Et tout le monde savait, tout le monde connaissait l'Ancien Testament où est-ce que tu adores que Dieu seul. Et si Dieu demande aux anges de l'adorer, c'est qu'il le met lui au-dessus des anges, c'est bien sûr. Et au-dessus de toutes les autres, parce que nous sommes tous des adorateurs. Les adorateurs sont tous inférieurs à celui qui est adoré, qui est Dieu, et ici le Fils. Au verset 7, de plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, il dit des anges qui sont des serviteurs, qui sont des messagers, c'est des outils qu'il utilise pour faire le service, pour accomplir des actions que lui veut qu'ils accomplissent. Mais au verset 8, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Wow! Comment Dieu peut-il dire à Jésus, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, Dieu s'adresse à Jésus en lui disant, ô Dieu. Il appelle les anges des messagers, des serviteurs, mais il appelle le Fils Dieu. Et il met ce Fils qui appelle Dieu sur un trône éternel, et c'est lui qui règne. C'est pour ça que Jésus a pu dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus règne avant de venir dans ce monde. Et les anges ne règnent pas. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Il l'a démontré par la rédemption qu'il a accomplie pour effacer les péchés. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, et t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Tes collègues, si c'est les anges. Parce que Jésus a été un serviteur, a été un envoyé. Comme les anges ont été des envoyés. Jésus s'est présenté comme étant le serviteur, l'envoyé du Père, le messager du Père, comme les anges le sont. Je pense que c'est ce qu'il veut dire ici par tes collègues. Pas par tes semblables, parce que tu étais un ange comme eux autres avant. Mais il dit, n'a jamais dit à aucun ange, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes collègues. Et encore, au verset 10, toi, Seigneur, tu as eu au commencement fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Donc, il parle ici. Dieu parle, puis dit, toi, Seigneur. Wow! Dieu qui dirait à une créature, toi, Seigneur. Dieu qui dirait à un ange, toi, Seigneur. Jamais, jamais, jamais, jamais. Mais il dit au Fils, toi, Seigneur, tout ce que tu as créé va finir par passer. Mais toi, tu subsistes éternellement. Toi, tu vas jamais changer. Tu es immuable. Tu restes le même. Et au verset 13, auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Donc, Dieu ici dit à son fils, assis-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Donc, Dieu ici se place dans la position de faire de quoi pour le fils? Je vais, moi, m'occuper de tes ennemis. C'est une grande parole ici. C'est une déclaration merveilleuse qui met le Fils à l'égalité du Père. Comme le Fils est venu sur la terre afin que le Père soit glorifié, ici le Père s'engage à œuvrer pour que le Fils soit exalté. Je vais détruire tes ennemis. Parce qu'ils t'ont rejeté, parce qu'ils t'ont combattu. C'est les soldats qui combattaient pour leur roi. Ici, c'est Dieu qui dit, je vais combattre tes ennemis. Je vais en faire ton marchepied. Je vais te donner contrôle sur tes ennemis. Je vais les anéantir, tes ennemis. Les anges, au verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc il dit, les anges sont des serviteurs de Dieu pour nous. Dieu utilise les anges pour servir les élus. Imaginez-vous donc. Nous, on pourrait peut-être même penser, dire, il va se servir de nous pour servir les anges parce qu'ils sont au-dessus de nous. Mais non, on va le voir plus loin. Nous sommes au-dessus des anges. Ça paraît pas pour le moment, on va le voir plus loin. Mais nous sommes au-dessus. La Bible nous dit même qu'on va juger les anges. Ils sont les serviteurs de Dieu pour nous. Ils nous servent, les anges. De la part de Dieu, on n'a aucun contrôle sur les anges, mais Dieu, lui, les utilise pour nous, pour notre bien-être, pour notre service. Donc, je crois ici dans le texte, il est facile à comprendre que le Fils est au-dessus des anges. Il a un nom au-dessus de toutes les autres. Dieu n'a jamais parlé d'un ange comme il a parlé du Fils. Notre Père du ciel, merci. Merci de nous avoir démontré la supériorité de Jésus sur les anges. C'est lui qu'il nous faut adorer, comme les anges l'adorent. Au nom de Jésus. Amen.